romantique. Même si avant je voulais te plaire. Ferons-nous un jour, de quoi sera fait après? De quoi sera fait après? Peut-être un jour nous séparerons-nous sur un quai. On se séparera sur un quai. Pourquoi m'as-tu fait croire ce qui n'était pas? Ce qui n'était pas. C'est pas bien de cacher des trucs à moi. Non, c'est vraiment pas bien. Nous n'avons plus rien à nous dire, il faut se taire. Même si avant je voulais te plaire. Nous n'avons plus rien à nous dire, il faut se taire. Même si avant je voulais te plaire. Notre rencontre impromptue, au fil est fait d'un opus. Impromptue. Cet opus que le chef d'orchestre dirige d'un rictus. Nya, nya, nya, nya, nya. Mais nous n'en avons pas besoin pour nous aimer. Non, pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça pour s'aimer. Seul le destin pourra nous séparer. Oui, non, il n'y a que le destin, oui, seul le destin, il n'y a que le destin qui pourra nous séparer. Nous n'avons plus rien à nous dire, il faut se taire. Même si avant je vous. Même si avant je voulais te plaire. Toi et moi sur la grève, t'en souviens-tu? Oh oui, oui, oh je m'en souviens-tu? De concert, nous hurlions des turlututu. Turlututu, turlututu. Tous ces mots qui nous ont unis, maintenant nous déchirent. Nous étions tellement unis, nous sommes déchirés. Je ne veux plus d'aucun souvenir, ni du meilleur, ni du pire. Ni du meilleur, ni du pire. Nous n'avons plus rien à nous dire, il faut se taire. Même si avant je voulais te plaire. Nous n'avons plus rien à nous dire, il faut se taire. Même si avant je voulais te plaire. Rien à nous dire. Je m'en rappelle de la fin maintenant.